de Bavière. De 4 à 19 j'fais mal, Vlad Pereira chez mal. Ils veulent les plans de schéma, mais ils savent que c'est des tannes chez man. Hein? Est-ce que je les penchais pas si ça te campe quand chez Bab? On donne leur précise bitch, 24H, à quoi dans le beau cercle? Négro, j'pense comme un lopipu. Néo-nègre avec attitude, vont disparaître, t'as les magnétos avec un stylo big, j'fais des magnétudes. Les prods ont tort de ouf, qui lui comment on bouge, on les retrouve morts du coup. J'veux une bonne demeure, l'or dessus, pas au coup. J'apporte mon sel, nouveau cycle, MMS clan d'amour à vide. Le futur joue en panoramique et un excès de là dans la cage thoracique. Nibiru et Kenneth Bérou, j'l'ai refroidi comme Sub-Zero. J'ai la cassette de l'heure face à eux 670. France car toute la SEP j'les roue. Mon record à chien, hein, à la ligue de Crowley aussi. Fuck pop et les collés aussi, on veut juste nos terres et la monnaie aussi. Dans le jeu que des rats, hein, on nettoie sans un express. Au-dessus y'a R, S aura, on les voit, on les laisse faire. J'attends Nibiru, où vais-je me les faire? Un troisième œil en plus, négro et mes fers. DMS, ça tire dans la terre. Au vais de Bavière, trop de pleurs, j'suis branché à l'éther. Au vais de Bavière, allumé comme une LED, Deftat. John Trix m'a parlé state. J'veux une bonne blonde d'Espagne, hein. Zigus Jack, hein. Can Flush, en main. Grosse DR du 5-9, j'ai pas de zinc feuille, mais ça va pop. Quand même, j'conce pas ton baratin. Rap game un baratin. Faut que ça mic somme, ça chill à fond, ça part à temps. Gros y'a les parafrancs, demande à Doc. Ça découpe, comme dans le bloc, opératoire. Gifle la concu, la faire asseoir. La boue au calme, je les love de Bing. PPK dans le délire, OVG crache ça sur ton pays. J'suis mon marocain, en même temps j'suis ta tasse. Néo-narcoquin, plus dangereux que la psychiatra. J'attends Nibiru, OVG je vais me les faire. Un troisième œil en plus, négro et mes fers. DMS, ça tire dans la terre. Au V de Bavière, trop de pleurs, j'suis branché à l'éther. Au V de Bavière, j'attends Nibiru, OV je vais me les faire. Hein, OV je vais me les faire. Nouvelle ère arrive, OV je vais me les faire. Trop de pleurs, j'suis branché à l'éther. Au V de Bavière.